Dragon et ta Irumbe, Katsa Elin Kase. Danazan, Iruta, Imerit, Irut. Imerit, Irut, Ares Mihata, Ganba Nombawa, Tobo Makuts Dojans. Miakea Kotseum Alusta Kanto. Be Alus Kase. Bakan Masat Alus Batus Elia. Dodansan Femake. Gomi Dura Poto. A-t-on retrouvé les cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. Extraterrestres, vivants et en bonne santé. Extraterrestres bien vivants. Spécimens d'extraterrestres. Vivants et en bonne santé, absolument. Ils sont là. Quelle que soit son origine et la forme qu'elle adopte, il y a une intelligence étrangère qui magouille quelque chose sur notre planète. Feriez-vous allusion à des petits hommes verts? Non, en aucune sorte. Pourquoi est-ce si incroyable que ça? Quand la découverte d'une forme de vie étrangère à notre planète figure en première page de tous les journaux, quand même les plus conservatrices des revues scientifiques réclament l'exploration de Mars et de Jupiter, et quand nous avons de bonnes raisons de penser que la vie naît et s'épanouit en dehors de notre biosphère, si vous ne pouvez pas admettre ce genre de choses, je demande que cette commission d'enquête soit condamnée pour ignorance volontaire de preuves irréfutables. Nous ne sommes pas réunis pour ça, aujourd'hui. Alors pourquoi sommes-nous réunis? Je suggère que l'audience soit suspendue jusqu'à ce que la validité des preuves soit attestée.